Giraud. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. La production agricole a chuté de 40% pendant la saison culturelle B. La déclaration est du président burundais Evariste Ndayishimiye ce vendredi lors d'une émission publique. Pour lui, il faut une augmentation de production et une lutte contre le gaspillage pour faire face à la montée des prix des produits alimentaires. L'association de construction annonce BMBC annonce un programme de bâtir 400 maisons dans les quartiers Miroir et Tenga d'ici 3 ans. Ce sera avec un budget de 80 milliards de francs burundais. En commune Ngozi, on parlait de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Des éleveurs s'arrogeraient le droit de cueillir des cultures pour nourrir leurs bêtes. Et puis, dans le site des déplacés Sobel et Maramza en commune Moutimbouzi, les parents craignent pour une probable détérioration de l'éducation des enfants. Il y a des difficultés quand vient le moment d'intimité chez les couples. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 80 milliards de francs burundais, c'est le montant que l'association BMBC va utiliser pour construire 400 maisons dans les quartiers Miroir et Tenga dans un délai de 3 ans. Le président de la dite association l'a dit ce vendredi lors d'une conférence de presse. David Namakulilo promet de construire ces maisons dans le respect de la loi. Il appelle ceux qui comptent ériger leurs maisons à ne pas le faire dans les endroits où s'observent les inondations. Suivez-les. C'est des nouveaux projets qui suivent le projet qu'on exécute à Gahahe, qui était aussi déjà, sont des projets immobiliers. Un projet se trouve à Tenga, un projet d'environ 200 logements, avec d'autres facilités communautaires qui vont servir de bien-être aux occupants. Il y a aussi un autre projet qu'on va exécuter au quartier Miroir, communément Kiyang, vers l'aéroport. Le projet là aussi, c'est un projet de quelques, une centaine de logements, composé de maisons VIP et very VIP, et des appartements. Tous les projets combinés totalisent environ 80 milliards de francs burundais, car ils seront déjà terminés. Il y a une innovation dans ce projet, contrairement au projet de Gaha, qui ne contenait que des maisons de host standing, qui privaient certaines personnes le droit de s'y installer. Je dirais par exemple, dans le projet de Tenga, il y a possibilité d'acheter seulement la parcelle. Donc là, vous investissez dans un logement par étapes. Vous achetez premièrement la parcelle et puis vous procédez par la construction après, à crédit. Donc à 45 millions par exemple, la petite parcelle vous pouvez l'acquérir. C'est un projet et vous pouvez payer ces 45 millions dans un délai échelonné. Et j'aimerais aussi que beaucoup de personnes qui investissent dans le logement, dans l'immobilier, réfléchissent d'abord aussi à cet aspect climatique ou topographique. Alors pour la première sécurité, c'est le choix du terrain. Les parties, si vous avez visité par exemple les Gahahe où nous avons un projet, l'eau coule s'il y a des pluies. Il n'y a pas moyen de stagnation des eaux. Les caniveaux ont la possibilité de couler les eaux qu'ils reçoivent. C'est la même chose à Tenga. On a aussi considéré cet aspect topographique qui permet aux eaux de pluie de passer via des caniveaux que nous sommes en train d'aménager. Il n'y a pas un projet où nous choisissons l'emplacement sans considérer cet aspect inondation ou changement climatique. Des conflits entre éleveurs et agriculteurs s'observaient sur différentes collines de la commune Ngozi. Ceux qui laissaient leurs troupeaux brouter les cultures d'autrui avant la mesure de stabulation cueillent actuellement différentes cultures, dont le maïs, soi-disant être à la recherche de simples herbes. Les responsables de certaines collines disent avoir interdit la recherche d'herbes dans les champs, un moyen, selon eux, de commettre des vols dans ces champs. Apollinaire Mouzagara. Avant la mesure de stabulation, les conflits entre éleveurs et agriculteurs étaient liés au fait que les bêtes qui se baladaient dévoraient différentes cultures. Actuellement, ces conflits se présentent sous une autre forme. Les chercheurs de forage coupent aussi les cultures, principalement le maïs, haricots, patates douces et autres. Cela est de plus en plus fréquent, car selon la population de ces collines, bon nombre d'éleveurs sont en possession de terrains cultivables trop exigus. Ils n'ont donc pas où cultiver les plantes fourragères pour leurs bêtes. Selon la population de ces différentes collines de la commune Ngozi, ce sont les mêmes coupeurs de plantes qui font banditisme dans les champs. Ils guettent le maïs, la banane et autres en état de récolte la journée pour commettre ces vols le soir, déplore la population de ces localités. Richard Gahungu, Eri Dogisagara et les autres annoncent l'interdiction de chercher des herbes dans les champs. Ils infligent, d'après eux, des sanctions exemplaires à ceux qui sont attrapés, dont une amende de 10 000 francs bou à celui qui vole un seul maïs, par exemple. Dongozi, Apone Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Certains des représentants des partis politiques opérant en commune et Kayanza appellent les membres des partis qu'ils y représentent à la tolérance politique et une bonne collaboration dans la réalisation des projets de développement malgré leurs différences d'opinion politique. Ils l'ont dit ce jeudi après des travaux d'aménagement du terrain de football de la colline et zone Kavumu de la commune et province Kayanza. Le point avec Patrick Sengiyumva. Sous l'encadrement du conseil interconfessionnaire du Burundi à Kayanza, le conseil ayant pour mission d'ailleurs le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de différents partis politiques, les fidèles de différentes confessions religieuses et des associations. Ces travaux d'aménagement du terrain de football de Sojedi a réuni les militants des partis politiques de la mouvance comme le conseil pour le développement durable Kodebou Iragidiandadaye, Ranak FNL et le parti de l'opposition CNL. Des partis politiques qui opérant en commune Kayanza dont les membres ne se sont pas présentés dans ces travaux de Sojedi sont entre autres les partis Sawagne Afrodebou et Kazé FDD. Jean Bosco Ndeleimana, le secrétaire du bureau du parti au pouvoir en commune Kayanza, a interpellé les militants du sein de l'FDD à renforcer la tolérance politique et mener une bonne cohabitation avec les membres d'autres partis politiques. Selon lui, il est grand temps, si ce n'est pas tard, que tout Burundi cherche à cheminer ensemble avec d'autres vers en développement communautaire et durable sans tenir compte des différence d'appartenance politique. Barutwana Yovena, secrétaire communal du parti CNL en commune Kayanza, apprécie lui positivement que dans cette commune, la tolérance politique entre les membres de différents partis politiques s'est améliorée et souhaite que cette situation continue à cette même lancée. Benoît Twagirezo Abdul Jabal, pour le point focal et provincial du conseil interconfessionnaire du Burundi, CICB en sigle. Le conseil qui avait organisé la rencontre de ses membres de différents partis politiques en commune Kayanza promet renforcer au sein de ce conseil des enseignements sur la cohésion sociale jusqu'au niveau de la colline. Depuis Kayanza, Patrick Sengiva pour la radio Isanganilo. Isanganilo, la radio de l'avenir. À 13h02 sur Isanganiro, nous poursuivons avec ce journal. 12 personnes incapables de se payer les factures des frais de soins médicaux à l'hôpital de Mabanda en province Makamba ont vu leurs factures réglées ce jeudi par la BCB, Banque de Crédit de Bujumbura. Elles ont également bénéficié des frais de déplacement pour rejoindre leur famille et une assistance en vivres. Le représentant de la branche de la BCB à Makamba dit que cette action humanitaire a été organisée en vue de se joindre à ces personnes vulnérables pour la célébration du nouvel an. Les bénéficiaires et les représentants de l'hôpital se montrent satisfaits et appellent d'autres bienfaiteurs à manifester de tels gestes envers les vulnérables. Élisée. Ces 12 personnes ont vu ce jeudi ces factures réglées par la BCB à l'hôpital de Mabanda. Une action humanitaire qui a coûté plus d'un million de francs burundais. À côté du paiement de leurs factures, ces personnes ont aussi bénéficié le ticket pour rejoindre leur famille, ainsi que l'assistance en vivres de 2 kilos de riz et de haricots. Hilaire Nyavenda, qui représente la branche de la BCB à Makamba et qui a remis cette assistance, dit qu'elle a été octroyée en vue de se joindre à ces personnes vulnérables, incapables de se payer les factures de soins médicaux pour la célébration du nouvel an dans un climat de joie. Une action perpétuelle est toujours menée chaque fois à la fin de l'année et dans différents hôpitaux du pays. Onésime Sezibera, chef des infirmiers ayant représenté cet hôpital, et les bénéficiaires qui disent avoir manqué de l'aide dans leur famille, remercient vivement cette assistance et demandent à la BCB et autres bienfaiteurs de manifester cette compassion même dans les autres hôpitaux. Depuis Makamba, Élisée Kwizera pour la radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera. Des parents victimes des inondations rassemblés dans le site de Sobel de Maramvia en commune Mutimbuzi s'inquiètent de l'éducation de leurs enfants. Ils expliquent que les enfants et les parents d'au moins 3 familles dorment dans une même tente, ce qui constitue une entrave de temps en temps quand vient le moment d'intimité entre les couples. 15 arbitres internationaux burundais ont été accrédités en ce mois de décembre par la FIFA, Fédération internationale de football, pour l'année 2023. Il s'agit de 6 arbitres centraux, 4 hommes et 2 femmes. Ndabi Hawenimana Pacifique, Gato Gato Georges, Manina Kiza Bertrand, Bigilimana Rodrigue, Ilat Tunga, Suavis et Ndouayo Darlene. Il y a aussi 9 arbitres assistants, 7 hommes et 2 femmes. Dimunzigo Pascal, Niongabo Emery, Bizumulemi Renova, Ndouayo Hervé, Nibogora Olivier, Kakunze Hervé, Bangurambona Fides, Iladukunda Alida et Uizera Arcela. Sur la liste des 15, 4 sont nouveaux. Il s'agit de Nkurunziza Thierry, Nduimana Jafari, Habimana Willy et Nkurunziza Désiré. Ndayisaba Ramadani et Ishimwe Cynthia ont été accrédités en tant qu'arbitres. Beach Soxa. En international, le roi du football, le brésilien Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, s'est éteint le 29 décembre à 82 ans après quelques semaines de maladie. Il a été victime d'un cancer du côlon. Près de 2 ans après le décès de la star argentine Diego Maradona, le football perd une autre de ses étoiles. La radio Isanganilo revient sur la biographie du roi Pelé. Les détails, c'est avec Evariste Nzikobanyang. Pelé a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge et a rapidement développé un talent exceptionnel pour le sport. Il a rejoint l'équipe de football de son école à l'âge de 8 ans et a été repéré par des scouts professionnels alors qu'il n'avait que 11 ans. En 1956, à l'âge de 15 ans, Pelé a rejoint l'équipe de Santos. Avec Santos, il a remporté 6 championnats brésiliens et 2 Copa Libertadores, la principale compétition de clubs en Amérique du Sud. Il a également remporté 2 coupes intercontinentales qui étaient alors la principale compétition de clubs international et a été le premier joueur à remporter la trophée Ballon d'Or sud-américain. Pelé a joué pour l'équipe de New York Cosmos de 1975 à 1977 alors qu'il était en fin de carrière. Il a rejoint l'équipe alors qu'elle était en difficulté et a aidé à la popularisé aux États-Unis. Pelé a joué pour l'équipe nationale brésilienne et a remporté 3 coupes du monde de football avec l'équipe en 1958, 1962 et 1970. Il a également disputé la Coupe du monde de 1966, mais a été blessé au cours du tournoi et a été contraint de quitter la compétition prématurément. Il a été un joueur clé de l'équipe nationale brésilienne et a été considéré comme l'un des plus grands joueur de tous les temps. Il a marqué 77 buts en 91 matchs pour l'équipe nationale et a également remporté de nombreux autres titres et récompenses au cours de sa carrière internationale. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, était né le 23 octobre 1940 et s'est éteint le 29 décembre 2022 à 82 ans après quelques semaines de maladie. Je vous le disais en titre, l'augmentation de la production et la lutte contre le gaspillage constituent des réponses pour faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires. C'est la réponse du numéro 1 burundais ce vendredi lors de l'émission publique animée à partir de la province Kirundo. Le chef de l'État a tenu à préciser que le pays a connu une chute de production de 40% pendant la saison culturelle B. Evariste Ndayishimiye indique qu'il y a des denrées qui étaient exportées dans la clandestinité car, ajoutait-il, ailleurs c'est trop cher. Ils ont lutté contre cette fraude, a-t-il martelé. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Moïse Misago. Chaque fois que la demande est supérieure à l'offre, le prix des produits doit être élevé. Les bouches à nourrir sont nombreuses, plus que ceux qui travaillent. Je vous sensibilise chaque jour pour travailler. Je ne connais même pas le prix sur le marché. Je consomme ce que je cultive. Il faut savoir comment augmenter la production. C'est la seule solution de la hausse des prix et la lutte contre le gaspillage. Imaginez quelqu'un qui a vendu toute sa production du haricot et aujourd'hui, il commence à acheter cette denrée. Il faut d'abord aimer la patrie. Gaspiller la production et par après, on va l'acheter au marché. Puis, on crie la cherté des denrées. Pourquoi ne pas garder cette production à la maison? Il faut toujours penser pour demain. Mais le cœur de ne pas garder la production est lié aux crises que nous avons traversées où on ne pouvait pas garder la production car on pensait toujours toujours à fuir. Les gens ne pensaient pas à garder leur production à la maison. Les prix sont déterminés par la production au marché. Jadis, la production de la patate douce était abondante. Vous vous souvenez? Pourquoi ne pas faire la production des haricots, de la pomme de terre, de la patate douce et du riz abondante? Il n'y a pas d'autre voie. Est-ce que si ces pays que vous citez refusent l'importation, que faire? On ne doit pas se faire des lamentations, car on a refusé de travailler. Le travail est la base de tout. Je ne comprends pas un fonctionnaire qui achète des légumes alors qu'il peut les cultiver chez lui. Je vous informe qu'on a subi une perte de 40% de la production au cours de la saison culturelle B. Beaucoup de cultures ont été endommagées. Et la production qu'on avait eue dans les pays limitrophes, le haricot coûtait cher. On a combattu pour stopper, mais c'était difficile. Les agents de sécurité ont essayé. La cause de la hausse des prix et la perte subie et cette production qui était vendue frauduleusement. Au cours de cette même émission publique animée par le président de la République, le ministre en charge de l'Intérieur a précisé que la problématique liée à l'octroi des documents de voyage est expliquée par la forte demande qui s'est observée. Le commissariat général des migrations disposait d'un stock de 50 000 documents qui s'est épuisé en seulement l'espace de 6 mois. Martin Niteletse promet que le problème va trouver solution avec le mois de janvier 2023. Il ajoutait que d'autres commandes ont été lancées et tranquillise que le demandeur sera cette fois-là servi en l'espace de 3 jours. Des parents victimes des inondations rassemblés dans le site Sobel de Maranvia en commune Moutimbouzi, je vous le disais, s'inquiètent de l'éducation de leurs enfants. Ils expliquent que les enfants et les parents d'au moins 3 familles dorment dans une même tente, ce qui constitue une entrave de temps en temps quand vient le moment d'intimité entre les couples. C'est un reportage signé Lydie Gahimbari. Avec une désolation totale, cette maman s'inquiète de l'éducation de leur descendance au moment où au moins 3 familles dorment dans une même tente, séparées en 3 parties par des restes sacs déchirés et chaque partie constitue une chambre pour les parents. Les enfants ici de ces 3 familles, tout âge confondu, dorment ensemble sur une seule natte. Et cela constitue une entrave au moment de l'intimité, explique-t-il. Certains parents préfèrent l'abstinence, mais cela pousse à certains hommes à faire l'adultère, comme l'explique cette maman. Emmanuel Tchiza, responsable de cette Sobel, qui rassemble plus de 440 ménages, ne nie pas cette réalité de la dégradation des mœurs dans son site. Mais il y rassure qu'ils font toujours des sensibilisations sur les conséquences des violences et surtout à la préparation d'un avenir meilleur pour les jeunes. Que ce soit les parents ou l'administration de ce site, insiste sur la délocalisation des ménages pour suivre de près l'éducation de leurs enfants. Merci Lydie. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.